3. Le récit s'arrêtait là. Juste en dessous du dernier paragraphe, ma mère avait tracé deux lignes en diagonale. La mention était récente, l'encre plus foncée en témoignait. Si tu veux savoir la suite, laisse un message sur cette boîte vocale. On te contactera. Je comprendrai très bien que tu refuses de me voir, mais si je me manifeste, c'est parce que tu cours un grand danger. Surtout, à aucun prix, ne montre ce carnet à Gary. Brûle-le dès que tu l'auras lu. Un numéro de téléphone tenait lieu de signature, probablement celui d'un portable prépayé. J'ai refermé le manuscrit d'un geste instinctif, comme pour empêcher que s'en échappe une nouvelle révélation plus atroce. Pandore rabaissant le couvercle de la boîte qu'elle a commis l'erreur d'ouvrir. La mention « Burn after reading » ne laissait subsister aucune équivoque. J'avais beaucoup de mal à déterminer ce que j'éprouvais. Du soulagement, de la joie, mais aussi un ressentiment proche de la haine. Tout cela mêlé en une tambouille infecte et prodigieusement indigeste pour l'âme. J'ai décidé que j'y réfléchirais plus tard, la situation présente ne m'autorisant pas à me contempler le nombril plus longtemps. Après avoir glissé le carnet dans ma poche, j'ai regagné l'étage et décroché le téléphone pour composer le numéro indiqué. Je suis tombée sur une boîte vocale robotisée à laquelle j'ai dicté mon propre numéro de portable. 10 minutes plus tard, un SMS s'inscrivait sur mon cadran. « Demain, 16h, Cantina Soledad, Palm Springs. » Rien d'autre. On ne pouvait faire plus impersonnel. J'ai grimpé l'escalier pour aller frapper chez Benjamin. Il m'a ouvert, nu ou presque, une serviette éponge lui cachant tout juste le pubis. « Ouais, » a-t-il grogné. « Pouvez-vous me prêter votre voiture demain ? Je dois me rendre à Palm Springs, ai-je expliqué. J'ai un rendez-vous important. Avez-vous entendu parler d'une Cantina Soledad ? Ouais, a-t-il fait. C'est paumé. Vous ne trouverez jamais. Je vous emmènerai. C'est un truc crade. À peu près clean dans la journée, mais la nuit, c'est une autre clientèle. Je n'ai pratiquement pas fermé l'œil de la nuit. D'abord parce que je craignais d'être la cible d'une nouvelle tentative d'assassinat. Ensuite, parce que la perspective de rencontrer ma mère me mettait les nerfs en pelote. Il est naturel, je pense, déstabilisant, de se retrouver face à quelqu'un qui revient sans préavis d'entre les morts. J'ai attendu l'aurore en fixant le plafond. La porte de ma chambre bloquée à l'aide d'une chaise coincée sous la poignée, un marteau de charpentier posé sur le lit, à portée de main. J'ai trépigné comme une gamine jusqu'à ce que nous prenions enfin la route de Palm Springs. Benjamin, qui me sentait à cran, ne m'a posé aucune question. Quand nous avons atteint les faubourgs de la ville, il s'est engagé dans un dédale de petites rues et m'a désigné un bar miteux à la façade d'un jaune agressif. « C'est là, m'a-t-il indiqué. Je vais me garer sur la place, au bout de cette rue. Si ça tourne mal, appelez-moi. » Dans la journée, c'est relativement cool, mais dès la tombée de la nuit, c'est le carnaval des zombies. J'étais trop tendue pour répondre. J'ai mis pied à terre et me suis dirigée vers le troquet d'une démarche de somnambule. La cantina était presque déserte, si l'on exceptait une tablée de vieillards jouant au domino. Il y régnait une pénombre parfumée à l'oignon frit et à la fumée de cigares. Dans le fond, sur une étagère, s'entassaient des boîtes de cigares mexicains. Ricardo Torrent, Teamo, Andreas, beaucoup moins chers que leurs homologues cubains, mais dédaignés par les vrais amateurs. Un antique jukebox, Rockola de 1962, diffusait Chica Chica Boom Chic de Carmen Miranda. Mon estomac s'est contracté lorsque j'ai aperçu la femme en tailleur de lin écru, installée devant une bouteille de vodka Stolichnaya. Des lunettes noires disproportionnées lui mangeaient le visage et ses cheveux gris rassemblés en chignon banane la rendaient méconnaissable. D'une manière provocante, elle fumait un short robusto dont elle tirait de longues bouffées gourmandes. J'ai eu l'impression qu'elle en rajoutait à seule fin de scandaliser les vieux machos qui lui coulaient des regards furibonds. Je me suis figé sur le seuil. Elle a alors enlevé ses lunettes et m'a adressé un sourire désabusé. Je l'ai enfin reconnue. C'était bien ma mère, avec 10 ans de plus. 10 ans qui me tombaient dessus brutalement et qui me la restituaient, presque vieille. « Ok, » a-t-elle fait d'une voix rauque, hélas, de fumeuse invétérée. « On ne va pas jouer la grande scène des retrouvailles. Ce n'est pas notre genre. Assieds-toi. J'ai pas mal de choses à te dire. Je ne pouvais pas tout écrire dans ce carnet. Ça aurait été trop compromettant. D'abord, faisons le point. Où en es-tu ?» Son souci d'efficacité a eu raison de ma paralysie mentale. D'un seul coup, le temps et l'absence se trouvaient abolis. Je la retrouvais telle que dans mon souvenir, sèche et droite, ne s'embarrassant pas d'effusion. Je me suis assise et tandis qu'elle remplissait mon verre, je l'ai mise au courant des événements de la veille. Elle n'a laissé transparaître aucune émotion. Les années l'avaient durcie. Comme toutes les belles femmes, elle avait bien vieilli et demeurait encore séduisante. Mais son regard avait un éclat métallique qui mettait mal à l'aise. J'ai cru que je n'arriverais pas à sortir un mot. Finalement, au prix d'un effort terrible, j'ai coassé. Le carnet s'arrête lorsque tu arrives aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Son regard s'est voilé. Elle a vidé son verre d'un trait avant de raconter d'une voix atone. Lorsque nous avons atterri à Los Angeles, j'ai été tentée de déclarer à la douane que mon passeport était faux et que j'entrais illégalement sur le territoire des États-Unis. À ce moment-là, la prison me semblait préférable à la liberté en compagnie de deux cinglés qui allaient faire de moi leur esclave. Gary a dû le sentir, car il m'a chuchoté à l'oreille « Pensez à votre fille ». Il avait compris que je n'étais pas dupe du piège dans lequel il avait espéré me faire tomber. Je me suis tue. En quittant l'aéroport, il m'a expliqué que nous allions continuer en voiture. Cela prendrait 3 ou 4 heures, mais nous donnerait le temps de mettre les choses au clair. Il ne me demandait pas mon avis. Sans argent, sans point de chute, j'étais à sa merci. En dépit de sa jeunesse, il était incroyablement sûr de lui, et d'un seul regard pouvait faire reculer des types 2 fois plus corpulents. Cela tenait à une certaine étincelle de sauvagerie dans ses yeux. En réalité, il n'était jamais complètement sorti du jardin d'hiver. Les premières années de son existence avaient fait de lui un mutant. Il conduisait un gros break Art Travels customisé pour le désert, avec une garde au sol très haute. Durant la première heure, il a résumé son trajet personnel. Il avait brièvement fait partie d'un groupe de rock et rencontré le succès, mais il avait jugé cette existence vaine et les gens qui l'entouraient immatures. Il s'était pris de haine pour ce monde factice dont il avait claqué la porte pour retourner auprès de Sawana qui constituait son unique point d'ancrage. C'est là que les choses se compliquaient. Sawana allait mal. Elle avait sombré dans la dépression, une dépression dont aucun remède ne parvenait à la tirer. Elle restait des journées entières étendue sur son lit à contempler le plafond. Elle n'écrivait plus. Gary craignait qu'elle ne succombe à une maladie de langueur. Il avait lu ce terme dans un roman du 19e siècle, ça l'avait frappé. À cet endroit de son récit, ma mère a pris le temps de rallumer son robusto qu'elle avait laissé s'éteindre. Ses doigts étaient tellement jaunis par le tabac qu'on les aurait crus trempés dans la teinture d'iode. Son haleine devait foudroyer tout insecte volant à moins de 20 centimètres de ses lèvres. L'odeur du cigare me rendait nauséeuse. J'aurais 1000 fois préféré qu'elle se contente de Natural American Spirits. Dans mon dos, Carmen Miranda chantait « Bananas is my business ». Pourquoi, ai-je demandé, pourquoi Sawana n'écrivait-elle plus? Un truc tout bête, inattendu de sa part et presque comique, assoupirait l'étrangère aux cheveux gris qui me faisait face. Sawana était tombée amoureuse de son éditeur. le père Lofson. Le problème, c'est que c'était loin d'être réciproque. Lofson la trouvait si laide qu'il avait engagé une doublure pour la remplacer lors des signatures et des talk-shows. Une super nana. Je sais, suis-je intervenu. Son fils m'en a parlé. Une certaine Josie Fredericks. J'ai vu sa photo. Une pin-up dans le genre Cruella sexy. Les cheveux noirs, les seins comme des ballons de rugby. Exact. Et c'est avec cette fille qu'il s'envoyait en l'air. Sawana n'a pas supporté d'être ainsi mise à l'écart, alors qu'elle rapportait de l'or à sa foutue maison d'édition. Cela l'a si profondément atteinte qu'elle a même envisagé de se suicider pendant un cocktail. Elle voulait se jeter dans le vide en entraînant le fils du patron dans sa chute, un gamin de 10 ans. Benjamin, oui, il m'en a également parlé. Elle a bien failli réussir. Cela reste pour lui un souvenir traumatisant. Sentant que mes interruptions l'irritaient, j'ai décidé de me tenir couette. Elle avait manifestement besoin de vider son sac le plus vite possible pour se débarrasser d'une corvée trop souvent remise à plus tard. C'est là que ça devient moche, a-t-elle murmuré en détournant les yeux. Gary a pensé qu'en punissant Josie Fredericks, il parviendrait à guérir Sawana, à la sortir de son apathie. La thérapie par la vengeance. Pour ce faire, il a enlevé Josie et l'a ramenée dans leur espèce de manoir à Salton Sea. Là, dans l'ancienne cave transformée en abri anti-atomique, il l'a longuement torturée sous les yeux de sa mère adoptive. Oh, pas avec des pinces ou des lames, ça aurait été trop simple. Non, selon la méthode du jardin d'hiver. Il l'a... Merde, c'est difficile à expliquer. Il a commencé à la dévorer, en la mordant comme un animal, bouchée après bouchée. Quoi ? N'ai-je pu m'empêcher de crier ? Je n'invente rien. Il a mangé vive, cru, si tu préfères, en commençant par les régions les moins susceptibles d'occasionner une hémorragie mortelle. C'était quelque chose dont il avait pris l'habitude durant son séjour au jardin d'hiver. Tous les jours, il descendait dans la cave et bouffait un morceau de Josie Fredericks comme un coyote affamé sous les yeux de Sawana. Il la mordait à pleines dents, lui arrachait un morceau de chair et mâchait consciencieusement. Tu imagines le spectacle ? La thérapie a fonctionné. Sawana est peu à peu sortie de son engourdissement. La mise en scène avait réveillé ses pulsions créatrices. Le calvaire de José a duré 2 semaines, puis une infection s'est déclarée. La septicémie l'emportait en 48 heures. Gary l'a enterré dans le désert après l'avoir rendu inidentifiable. J'ai éprouvé la nécessité de me verser 2 doigts de vodka. « Tu es certaine qu'il ne te baratinait pas ?» ai-je demandé. Oui, c'était tout à fait dans ses cordes. Aujourd'hui, Gary a vieilli. Il a perdu de son aura, mais à l'époque, le danger émanait de lui comme la radioactivité d'un bloc de plutonium. On n'avait pas besoin de le regarder sous le nez pour savoir qu'il venait d'ailleurs, d'un endroit où personne n'avait envie d'aller. Je peux te l'assurer, il a bel et bien dévoré Josie vivante et crue. Il m'a raconté ça pour me faire comprendre que j'avais intérêt à filer droit, et qu'il ne tolérerait aucun écart de conduite. Je devrais servir Sawana le plus fidèlement possible, sinon... Tu n'as pas été tentée de t'enfuir ? Non, j'étais pétrifiée. Je ne me sentais pas de taille. Je me suis promis d'attendre et de guetter une meilleure occasion. Et puis j'étais déjà compromise. Les flics n'auraient jamais admis que j'étais une simple victime. Il y avait déjà 10 ans que je collaborais avec Sawana, qui, par ailleurs, était considérée comme une star de la littérature policière. Bref, au terme d'un voyage qui m'a paru interminable, nous sommes arrivés à Salton Sea. Sawana m'a reçue à bras ouverts. Elle rayonnait. Elle rédigeait déjà le plan de son bouquin et ça marchait du feu de Dieu. Ça s'intitulerait « Un appétit d'ogre ». Tout de suite, elle a commencé à énumérer ce que je devrais faire figurer sur l'illustration de couverture. Elle comptait énormément sur mon apport visuel pour relancer les ventes. On m'accueillait comme la fille prodigue qui rentre au foyer au terme d'un tour du monde, aussi décevant qu'inutile. Je l'ai trouvée amaigrie, vieillie. Elle faisait 10 ans de plus que son âge. Pendant toutes ces retrouvailles, Gary s'agitait autour de nous comme une abeille en folie, préparant du thé, sortant un gâteau du four, posant un vase de fleurs au centre de la table. Le vrai grillon du foyer. Je me suis dit que j'avais échoué chez le chapelier fou. Au terme de ce goûter, Gary m'a attiré à l'écart et serré dans ses bras pour me chuchoter à l'oreille. « Vous voyez, c'est formidable. Quand vous êtes là, elle est heureuse. » Puis il a posé sa bouche sur la mienne. Cette bouche qui avait mâché la chair crue de Josie Fredericks. Et j'ai bien cru que j'allais vomir. Et ensuite? Ensuite, la vie s'est organisée. On m'a attribué une chambre où m'attendait déjà le matériel nécessaire. Toile, chevalet, pinceau, couleur. Là, j'ai failli craquer en réalisant que je risquais de finir mon existence dans cette baraque triste à pleurer au bord de ce lac puant. J'ai eu horriblement besoin d'un verre, mais Gary avait tout prévu. Dans un angle trônait un bar bien garni. Ce soir-là, j'ai pris une cuite mémorable. C'était ça ou m'ouvrir les veines dans la baignoire. Le lendemain, la gueule de bois m'a empêché de réfléchir et j'ai entamé les premières esquisses. Je savais que le travail constituait mon unique planche de salut, le seul moyen de ne pas sombrer à mon tour dans la folie. C'était la première fois que je peignais une scène ayant réellement eu lieu. Une scène que Sawana ne cessait de me raconter, ajoutant chaque fois de nouveaux détails atroces. La forme des morsures, les dessins surréalistes créés par les projections de sang. J'en faisais des cauchemars chaque nuit. Et puis, dès l'illustration d'un appétit d'ogre achevé, Sawana est descendue s'enfermer dans l'abri. Elle tapait à la machine 15 heures par jour, l'œil rivé sur mon tableau accroché au mur, devant sa table de travail. Elle était effrayante. Totalement coupée du monde, en transe, les yeux lui sortant de la tête, trempés de sueur. Une prêtresse vaudou. Et Gary? Gary était souvent absent. Il fricotait avec une bande de motards. Je suppose qu'il avait besoin de ce milieu pour assouvir ses pulsions de violence. Il trafiquait des armes et de la dope, des faux papiers. Cela mettait du beurre dans les épinards. Ce n'était pas de trop, car les finances étaient basses. Le gros Lofson considérait Sawana comme passée de mode et ne se démenait plus vraiment pour vendre ses bouquins. Je me suis toujours demandé s'il ne soupçonnait pas Sawana d'être responsable de la disparition de Josie Fredericks et se venger de cette façon, en lui portant sournoisement préjudice. Et toi, que faisais-tu? Je lisais, je peignais. Je poussais de temps à autre une pointe dans le désert. C'était une existence plutôt monacale, pas vraiment déplaisante. En fait, nous avions peu de contacts. La plupart du temps, chacun vivait dans son coin. Sawana dans son abri, à écrire et réécrire ses sornettes. Gary à trafiquer sa moto ou à chasser le coyote dans les dunes. Les gens du coin nous fichaient la paix. Pour eux, nous formions un ménage à trois qui ne dérangeait personne. Gary était bien vu, parce qu'en tant que bricoleur chevronné, il dépannait gracieusement les vieux des alentours. On peut vivre comme ça, pourvu qu'on dispose d'un bar bien garni pour affronter le blues du soleil couchant. J'avoue qu'il m'arrivait de ne pas dessouler d'une semaine, mais ce n'était pas aussi fréquent que tu te plais à l'imaginer. Ok. À t'entendre, c'était presque des vacances à l'ashram. Mais il y a bien un moment où ça a commencé à déconner, non? Oui, la menace est venue du passé, d'une erreur dont j'étais responsable alors que nous vivions encore en Suisse. Je ne sais pas si tu te souviens de l'illustration de Dernière alarme. La femme en manteau de fourrure qu'on étrangle au moyen d'une cordelette rouge. Parfaitement. Tu m'avais roué deux coups parce que j'y avais touché alors qu'elle n'était pas sèche. Tu étais encore ivre ce jour-là. J'avais surtout les nerfs à vif. J'avais fini par me persuader que ton père allait me tuer. C'est pour cela que la femme du tableau me ressemble et que la silhouette masculine évoque celle de Russell. J'étais en pleine parano. Mais le problème n'est pas là. Ce que j'ignorais à l'époque, c'est que Sawana m'avait fait peindre, à mon insu, une scène de crime réel, sans omettre le moindre détail. Je sais, il s'agissait de l'assassinat d'une call girl, Natalia Welt, dont le corps a été découvert le 8 mai 1983 dans son appartement de Poughkeepsie. Elle était nue sous un manteau de fourrure, une tresse rouge nouée autour de la gorge. Ma mère a sursauté et jeté un drôle de regard, étonnée que j'en sache autant. Puis elle a poussé un soupir et grogné. « Ah, je vois, tu as eu affaire à Finchcolder. Il ne renoncera donc jamais. » J'ai posé ma main sur la sienne dans un effort d'apaisement, car je discernais chez elle les signes trop connus d'une imminente crise de nerfs. « Raconte-moi, » ai-je soufflé. « J'ai l'impression que toute l'histoire tourne autour de cette foutue illustration. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ?» Cette année-là, Lovson, cette vieille salope d'éditeur, a décidé de ne plus réimprimer les romans de Sawana et de pilonner ceux qu'il conservait en stock. Cela signifiait que plus un seul dollar ne viendrait alimenter le compte de l'auteur. C'était une décision bizarre, arbitraire, aux allures de punition. Comme je l'ai déjà dit, je pense que Lovson en voulait à Sawana, qu'il la soupçonnait d'avoir trempé dans la disparition inexpliquée de Josie Fredericks. Faute de preuves, il appliquait la loi du talion à sa manière. Les finances de Sawana en ont subi le contre-coup. Quand elle a demandé des explications à Lovson, il lui a rétorqué que les romans d'horreur étaient passés de mode et qu'il cherchait désormais des thrillers mettant en scène des scandales financiers, sexuels ou politiques. Les trois à la fois, si possible. Le public avait changé. Il raffolait désormais des crapuleries gouvernementales. Et comment a-t-elle vécu ça? Mal. La politique, la finance, ce n'était pas sa tasse de thé, elle n'y connaissait rien. Elle est tombée en panne. Les magouillages boursiers ne l'inspiraient pas, car ils débouchaient rarement sur des crimes susceptibles de générer une belle illustration. Cela a sonné le début d'une période de vaches maigres qui a éveillé chez elle un vice jusqu'alors insoupçonné, l'avarice. La peur de manquer. Elle est passée de la prodigalité à la pingrerie. Obsédée par la perspective d'un krach boursier, elle a vidé tous ses comptes bancaires et entassé sa fortune dans le sous-sol du manoir, dans une cache secrète, imitant en cela Tsar Makorius. Elle est allée jusqu'à ordonner à Gary de vendre le Winnebago Deluxe qu'elle lui avait offert 6 mois plus tôt. Il a bien sûr refusé. C'est alors que Gary a cru avoir une idée lumineuse. Tu dois savoir qu'il servait de secrétaire à Sawana et tous les matins dépouillait le courrier que les fans adressaient à leur auteur favori. Il y répondait du mieux possible, Sawana se contentant de signer les lettres sans les lire. Au milieu de ce fratras de dévotion incohérente, Gary a fini par isoler une lectrice qui, entre deux compliments, exposait ses problèmes personnels comme elle l'aurait fait à la responsable du courrier du cœur dans un journal féminin. Elle écrivait régulièrement, au rythme d'une lettre par semaine. Cette fille s'appelait Natalia Welt et exerçait la profession de colqueur de luxe dans une banlieue chic. Depuis quelque temps, elle était entretenue par un homme politique qui tenait à s'assurer l'exclusivité de ses services. Elle était très amoureuse de lui, bien qu'il eût des penchants légèrement sadiques qu'elle énumérait sans honte. Elle attendait de Sawana, dont elle était la fan numéro un, qu'elle la conseille sur la manière de s'attacher durablement ce haut personnage, voire de l'amener à l'épouser. Cela peut te sembler étonnant, mais il n'est pas rare que les fans finissent par tisser ce genre de relation avec leur écrivain préféré, qui devient à leurs yeux une espèce de confesseur laïque ou de psychanalyste du dimanche. Le vacarme d'une moto remontant la rue nous a interrompus. Aux taches rouges qui marbraient les pommettes de ma mère, j'ai deviné qu'elle glissait dans l'ivresse. Son regard avait du mal à se fixer, et, comme beaucoup d'ivrognes qui s'appliquent à dissimuler leur état, elle articulait chaque mot avec un soin extrême, tel un professeur de diction. Je commençais à voir où elle voulait en venir, sans trop savoir quel crédit accorder à ses propos. Gary a entamé une correspondance intime et suivie avec Natalia, a-t-elle marmonné, en arrachant une nouvelle bouffée à son robusto qu'elle tenait d'une main mal assurée. En se faisant passer pour Sawana, il a obtenu de cette pauvre fille les renseignements utiles à son plan. Adresse, emploi du temps de l'homme politique, habitude, horaire, tout cela emballé dans des conseils rassurants. Je vois, ai-je lâché dans l'espoir d'abréger cette confession, qui me mettait de plus en plus mal à l'aise. Il avait prévu d'assassiner Natalia. Oui. Le but de la manœuvre, c'était de fournir à Sawana le scandale politique dont elle pourrait s'inspirer pour écrire un nouveau livre. Un scandale sur lequel le roman pourrait surfer et qui le propulserait au top des ventes. Comme tu vois, ça partait d'une bonne intention. Gary a toujours voulu le bonheur de sa mère adoptive, et il n'a reculé devant rien pour y parvenir. Je reconnais que la démarche n'était pas sans une bonne dose de naïveté, mais Gary n'est pas de ce monde. Il vient d'ailleurs et ne s'acclimatera jamais tout à fait à nos règles. Comment a réagi Sawana lorsqu'il lui a exposé son projet? Très bien. Elle entrevoyait enfin la sortie du tunnel. Quand tout a été parfaitement planifié, ils sont passés à l'action. Ils s'étaient débrouillés pour que le meurtre ait lieu à un moment où le sénateur ne disposerait d'aucun alibi. Natalia leur avait fourni son emploi du temps, ses manies. En théorie, tout était aussi bien calculé que le lancement d'une navette spatiale à Cap Canaveral. Je n'entre pas dans les détails. Gary a étranglé Natalia sous les yeux de Sawana, qui s'est appliqué à mémoriser le moindre détail de la scène. Puis ils ont fichu le camp. Craignant que sa mémoire la trahisse, Sawana m'a aussitôt appelé en Suisse pour me dicter ses exigences en matière d'illustration. Cela ne m'a pas surprise outre mesure. J'avais l'habitude de ces logorées hallucinées tombant à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Sa petite voix haletante, nasillant dans l'écouteur, me flanquait la chair de poule. On aurait dit celle d'une femme au bord de l'orgasme. Réellement flippant. Je me suis mise au boulot, bien décidée à expédier le truc le plus rapidement possible. Je commençais à en avoir marre de passer ma vie enchaînée à la planche à dessin, et j'avais désormais la dextérité suffisante pour traiter une commande en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. C'était facile. J'ai bouclé le truc en l'espace de 4 heures, et, fidèle à mon habituel pied de nez, j'ai daté et signé le tableau en lettres minuscules dissimulées dans la moulure d'un fauteuil. Je sais, c'était puéril. Mais c'était ma petite vengeance personnelle, ma façon de dire merde à Sawana. Sans le savoir, je venais de commettre une terrible erreur. C'est cela qui a tout déclenché. Oui, Finchkolder a bâti une théorie là-dessus. Selon lui, Sawana comptait faire paraître le roman très vite, de manière qu'il s'écoule peu de temps entre la découverte du corps et le scandale que provoquerait le bouquin, en insinuant qu'un homme politique célèbre, en qui on voyait à l'époque un futur président, avait probablement assassiné une cold girl au cours de pratiques sadomasochistes qu'il affectionnait. Exact. Si un quelconque journaliste s'était étonné de la véracité avec laquelle la scène du crime était représentée sur la couverture, Sawana aurait objecté que le graphiste s'était directement inspiré des clichés de l'identité judiciaire achetés à un employé corrompu du coroner. Le roman a enthousiasmé le vieux Lovson, qui a vu là l'occasion de réaliser un coup éditorial. Du jour au lendemain, Sawana est rentré dans ses bonnes grâces. Toute l'opération avait été montée tambour battant, Sawana ayant rédigé le manuscrit en 3 jours, rivé à sa machine de l'aube au crépuscule. C'est alors qu'en examinant l'original de l'illustration, Gary ou Sawana ont découvert ta signature secrète, datée du jour même du crime. Oui, ça foutait leur projet à l'eau. Le dessin était trop fidèle à la réalité pour qu'on puisse prétendre qu'il s'agissait d'une œuvre imaginaire. En outre, il avait été exécuté alors même que le cadavre de Natalia n'avait pas encore été découvert. C'était trop compromettant, si compromettant qu'on pouvait y voir un aveu. Sawana a paniqué. Tu imagines, le bouquin était déjà imprimé, prêt à être distribué. Elle ne pouvait courir le risque qu'un fan, en examinant la couverture, ne découvre le poteau rose. Elle a exigé que la totalité du tirage soit pilonnée sur le champ avant sa mise en place en librairie, ce qui a achevé de la brouiller définitivement avec Lovson. C'était pour lui une perte sèche. La perspective de se remplir les poches lui passait sous le nez. Ma mère s'est tue. Sa respiration était devenue sifflante et la fatigue marquait ses traits. Elle avait abandonné le robusto dans le cendrier où il s'étouffait tristement. J'ai cru un moment qu'elle n'allait pas rouvrir la bouche, mais elle a repris d'une voix à peine audible. On a cru le danger écarté, mais on se trompait. C'était une bombe à retardement qui nous a pété à la gueule 15 ans plus tard, quand ce fameux jeune espoir de la politique est devenu sénateur. Il s'est alors produit l'impensable. L'un des exemplaires ayant échappé au pilon et vendu sous le manteau par les employés de l'imprimerie en tant que collector est arrivé entre les mains du gars. Nous n'avions pas prévu que ce sénateur serait lui aussi un fan de Sawana et que quelqu'un imaginerait de lui offrir cet exemplaire rarissime à l'occasion de son 50e anniversaire. Bien sûr, il a immédiatement reconnu l'appartement de Natalia sur l'illustration de couverture. Oui, et à force de scruter le dessin, il a fini par découvrir ma signature et la date, si minuscule soit-elle. Il a aussitôt pigé que la peinture avait été réalisée dans les heures qui suivaient l'assassinat, alors que tout le monde ignorait encore la mort de Natalia Welt. Tout le monde, sauf son meurtrier. Et cela a entraîné des répercussions ? Oui, c'était, et c'est encore aujourd'hui, un homme puissant dont mieux vaut ne pas prononcer le nom. Son statut lui donnait accès à certains services parallèles auxquels il a fait appel. Il ne s'est pas passé longtemps avant que des types bizarres s'installent à Salton Sea et commencent à rôder autour du manoir. Des faux hippies, des randonneurs au crâne rasé qui prenaient trop de photos. Ce n'était pas rassurant. Sawana n'était pas au mieux de sa forme, elle traversait de nouveau une période de blocage. Elle avait délaissé sa machine à écrire pour couvrir à la main des pages et des pages d'une écriture indéchiffrable, dont on n'était même pas certain qu'elle avait une quelconque signification. Peut-être faisait-elle semblant d'écrire pour se convaincre qu'elle avait encore quelque chose sous le capot. Elle avait envoyé plusieurs synopsis à Lovson qui les avait sèchement refusés. L'argent ne rentrait plus. Elle était de nouveau en proie à des accès d'avarice pathologique. Il fallait la voir faire irruption dans la cuisine pour exiger de Gary qu'il lui présente sur le champ des tickets de caisse du supermarché, puis compter la monnaie pièce à pièce en bougonnant. Elle nous jetait de drôles de regards, nous accusant de la gruger, de gonfler les additions. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à changer son magot de place, persuadée que nous allions la dépouiller. Elle allait jusqu'à cacher des billets de 100 $ entre les pages des livres entassés dans la bibliothèque lorsqu'elle nous croyait endormis. Elle était en train de perdre la boule, mais nous ne le savions pas encore. Nous mettions son comportement sur le compte de la dépression, de l'atmosphère paranoïaque dans laquelle nous vivions. Je ne piche pas. Était-elle riche ou ruinée? Elle était riche, mais s'estimait ruinée, ou en passe de l'être. Toujours la peur de manquer, de se retrouver à la rue. Je pense qu'il lui restait au minimum 1 000 000 $ sur les 2 qu'elle avait volés à Tsar Markorius. Mais je suis sans doute très en dessous de la vérité. À une époque, elle avait engrangé des droits d'auteur fabuleux alors qu'elle menait une existence de recluse. Elle ne pouvait matériellement avoir tout dépensé. Je crois que c'était dans sa tête. Elle prenait sa voiture à la nuit tombée et s'enfonçait dans le désert. Je suppose qu'elle allait enterrer une partie de ses économies quelque part dans le dédale des canyons. L'ennui, c'est qu'après, elle ne se rappelait plus de l'endroit. Le syndrome de l'écureuil. On peut dire ça, oui. Un jour, elle a tout bonnement disparu. On a retrouvé sa voiture en bordure d'une piste, portière grande ouverte, la clé sur le contact. On a d'abord pensé qu'elle était partie à pied dans le désert et le shérif du comté a lancé une équipe à sa recherche. Un hélicoptère des Rangers a même survolé la zone d'Anza Borrego sans rien trouver. Sawana s'était envolée. Et un automobiliste l'a récupérée sur la route, à proximité d'elle centrale, une semaine plus tard. Elle avait le visage et le corps tuméfiés. Ses bras présentaient de nombreuses traces de piqûres. Une analyse de sang a montré qu'elle avait subi des injections massives de pain total. Elle était complètement hagarde, incapable d'aligner de phrases cohérentes, quasi débile. Du pain total, carrément. Oui, je pense que les sbires du sénateur l'avaient enlevée dans l'espoir de la faire parler, mais qu'elle a réussi à leur fausser compagnie. Peut-être en sautant d'une voiture en marche. On ne sait pas. Elle ne nous a jamais raconté ce qui lui était arrivé. De ce jour, elle n'a plus été la même. Elle s'est enfoncée dans le mutisme et souffrait d'absences répétées. Gary a fait venir un médecin qui a diagnostiqué une mélancolie d'involution. Dieu seul sait ce que ça signifie. Probablement quelque chose dans le genre de la maladie d'Alzheimer. Personnellement, je crois que les drogues injectées lors du rapt lui avaient bousillé le cerveau. Un traumatisme majeur. Un psy dirait que pour éviter de dénoncer Gary à ses tortionnaires, elle a préféré sombrer dans l'amnésie, voire l'autisme. Elle a volontairement effacé son disque dur mental pour ne pas risquer de trahir son fils adoptif. Les agents du sénateur n'ont pas cherché à la récupérer? Non. Peut-être se sont-ils rendus compte qu'il n'y avait plus rien à espérer d'elle, maintenant qu'elle s'était changée en légumes. Toutefois, peu de temps après, on a vu débarquer Finch Calder, le pseudo-flic à la retraite. À mon avis, on l'a placé là pour garder un œil sur Sawana, au cas où elle recouvrerait la mémoire. L'ennui, c'est qu'elle a disparu. Définitivement, cette fois. Certains prétendent qu'elle se serait suicidée. Je n'y crois pas une seconde. Ce n'était pas son genre. Ma théorie, c'est que Gary l'a mise à l'abri, quelque part, en lieu secret. Elle et son magot. Mais j'ignore où. Les types des services secrets n'ont pas cherché à t'interroger? Non. Je suppose qu'ils ont vérifié mon alibi, qui était en béton, puisque le jour du crime, je me trouvais en Suisse, à des milliers de kilomètres de Poughkeepsie et de Natalia Welt. Pour eux, je n'étais qu'une employée sans importance, une esclave. Et toi, qu'as-tu fait après la disparition de Sawana? J'ai pris mes distances d'avec Gary. Il me faisait peur, il n'avait pas confiance en moi. j'ai contacté Lofson dans l'espoir qu'il me donnerait du travail. Il m'a engagée comme illustratrice, puis finalement m'a demandé si je ne pourrais pas envisager d'adapter les anciens romans de Sawana en bande dessinée. Le créneau lui semblait prometteur. J'ai accepté. Cela me donnait de quoi vivre. Gary l'a très mal encaissé. Pour lui, c'était trahir la mémoire de Sawana et souiller son œuvre immortelle. Il était temps pour moi de changer d'air. J'ai quitté le manoir pour m'installer à Palm Springs, dans un studio prêté par le père Lofson. Elle avait prononcé ces derniers mots avec une légèreté suspecte, et j'ai compris qu'elle avait été davantage qu'une simple employée pour l'éditeur. Elle s'est redressée sur son siège afin de me dévisager. Puis elle a dit « Voilà, tu sais à peu près tout maintenant. Je suis fatiguée, je vais rentrer. Si tu veux me revoir, tu as mon numéro. Fais attention, tu as mis les pieds dans un sacré bourbier. Tiens-toi le plus loin possible de Gary. Tu penses vraiment que Sawana est toujours en vie? C'est envisageable. C'est sans doute elle qui a poignardé dans leur sommeil des pauvres types du club de la Hyène, pendant que Gary, de son côté, essayait de te noyer dans le lac salé. Ces deux-là se protègent mutuellement. Tu ne seras pas en sécurité tant que nous n'aurons pas découvert où se terre Sawana et que nous l'aurons neutralisé. Qui se chargera de la neutraliser, ai-je demandé. Finch Calder, il est là pour ça, il fera le ménage. Une fois la menace éliminée, nous pourrons recommencer à vivre sans regarder tout le temps par-dessus notre épaule. Tu n'aurais pas passé un accord avec lui par hasard? On ne peut rien te cacher, hein? Nous avons effectivement évoqué la chose. Si je l'aide à mettre la main sur Sawana, il interviendra auprès du sénateur pour que ma situation soit régularisée. Il y a 10 ans que je vis dans la terreur de me faire piquer par les services d'immigration. J'en ai assez. J'ai la truie que toute cette merde m'explose à la figure et qu'on me déclare complice des crimes commis par Sawana et Gary. Ce qui n'est pas faux, puisque je ne les ai jamais dénoncés. Finch Calder peut m'obtenir un arrangement à l'amiable et une nouvelle virginité. Je suis trop vieille pour continuer à me cacher. La cavale, c'est bon quand on est jeune. Le soleil baissait à l'horizon. Ma mère s'est levée. Après m'avoir adressé un bref signe de la main, elle s'est dirigée vers la sortie en titubant. Je me suis fait la réflexion qu'elle ne m'avait pas demandé des nouvelles de mon père. Au centre du cendrier, le shorto robusto était maintenant éteint et Carmen Miranda chantait « Mamma io quiero ».